Le 9 avril, le dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a reçu le message de félicitations du président syrien Bachar al-Assad à l'occasion du 5e anniversaire de sa promotion à la magistrature suprême du Parti du Travail de Corée et de la République populaire démocratique de Corée. Le destinataire a écrit que la promotion du camarade Kim Jong-un à la magistrature suprême du Parti du Travail de Corée et de la République populaire démocratique de Corée est l'expression de la confiance de la direction et du peuple de la Corée et l'occasion de raffermir davantage la ligne de la révolution coréenne destinée à réaliser à un niveau plus élevé l'objectif de lutte pour le parti et la révolution, la patrie et le peuple et l'émancipation du monde, dont les bases ont été établies par l'éternel président Kim Il-sung et que le camarade Kim Jong-il, éternel leader du Parti du Travail de Corée, a continué. Il a souhaité santé et bonheur au camarade Kim Jong-un, progrès et prospérité au peuple coréen ami.